count as 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. You know what's new, let's go on the way, so wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU for Charlie. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour attaquer cette nouvelle année que je vous souhaite scintillante, brillante, pleine de bonnes choses et pour commencer, pleine de santé. J'espère de tout cœur que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que vous n'avez pas trop abusé. Un petit peu, il faut, hein, se laisser aller de temps en temps. En tout cas, que vous avez pris toutes vos précautions et que vous êtes en tout cas bien là au rendez-vous pour eh bien, aborder avec plein d'énergie cette nouvelle année devant nous. En ce qui nous concerne, Planète Indie, eh bien, pas de changement hein, en 2021. Ce sera comme en 2020. On sera ensemble avec vous chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, le meilleur de la musique que vous n'entendez nulle part ailleurs. Et puis, on aura aussi nos rubriques culturelles habituelles. Et donc, si vous êtes prêt, eh ben, je vous propose de commencer tout de suite le programme de 2021. Programme qui s'annonce pour commencer sous les auspices de la maison du label allemand Anemos Records, puisqu'on va écouter Principe Valiente avec une reprise d'un vieux morceau pour ceux qui sont un peu de ma génération. Ça leur dira quelque chose. Mister Mister, morceau très connu avec Broken Wings, donc il sera repris ici par le groupe Principe Valiente, mais avant cela, on va écouter S, simplement la lettre S entourée de trois parenthèses, bah oui, hein, c'était pas assez, alors ils se sont dit on va en mettre trois, et un morceau intitulé They're Rebuilding Buildings, voilà, ne changez rien, je vous le dis à nouveau, on est ensemble pour une heure et demie de très très très bonne musique. Thank you. Thank you. Eh bien, en ce qui me concerne, je la trouve particulièrement réussie, cette reprise de Broken Wings du groupe Mister Mister, un morceau sorti en 1985 et qui a fait les beaux jours du film Top Gun, puisqu'il faisait partie de la bande originale du film. Allez, je trouve que la voix du chanteur Fernando Honorato, une voix profonde, s'accorde bien avec cette reprise tout à fait particulière et cette mise en forme particulière que le groupe Principe Valiente a donné à ce morceau, avec un fort recours au synthé, à la rythmique et assez peu de guitare finalement. Ils sont permis de reprendre ce morceau parce qu'ils ont fait une petite pause dans l'enregistrement de leur nouvel album. Le groupe suédois Principe Valiente, donc bien, on aura des nouvelles probablement dès qu'il y aura des nouvelles de leur, donc de ce nouvel album qui devrait sortir, on l'espère, dans le courant de cette année. On poursuit avec Code 18 ou Code 18 et un morceau intitulé River of Blood, la rivière du sang. Et puis après, on écoutera les Refusers, Shame on You, avant de partir déjà. Bah oui, le temps passe assez rapidement, surtout quand on met des morceaux qui durent un peu assez longtemps, comme le tout premier qu'on a écouté de S, là, qui faisait pas loin de 6 minutes. On n'a pas tout écouté, on a un peu réduit sur la fin. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, le temps passe vite. Il est déjà 17h16, voilà, comme ça. Vous savez tout, et nous, eh bien, on laisse la place donc à Code 18 et River of Blood. We'll be right back. I repeat, request denied. Here we go again, walking beside the tank, blocking out the pain. Tell me, is this all in vain? Tag my snipers, reply with gunners, over my head jet fighters, followed by vultures. Time to write a letter, half a soup, half a bed. Life couldn't be better. Had 10 kills today, friendly competition, brain malfunction, not a video game to play. So many days, so many days, a sea of red, despair is like a flood, moving to the river of blood. So afraid to die, fear keeps me alive, to protect my loved ones, to take back what's ours. Hi, this is Michael from Socionic, and you're listening to Planet Indie. Hello, it's Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Bonjour, je m'appelle Casey Batterby de Blue Eyed Sun, et vous écoutez Planet Indie. Shame on You par le groupe Les Refusers. Comme vous avez pu le constater, les bonnes résolutions de cette année 2020, c'est qu'il faut se bouger, bouger, bouger, comme dirait l'autre. Oui, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser abattre par les excès peut-être des fêtes. Non, il faut tout de suite reprendre des forces et de l'énergie et bouger, bouger, bouger. C'est ce qu'on fait avec cette programmation musicale un peu musclée en ce début d'émission. Je vous rappelle, vous écoutez Planète Indie, c'est l'épisode numéro 426 en ce 2 janvier 2021. 17h26 minutes, ça avance. Eh bien, nous allons aller à la découverte de notre album Power Play. On était déjà en Suède tout à l'heure avec les Principe Valiente. Eh bien, on va y rester avec notre Power Play. C'est le groupe Manish Boy. C'est un groupe de rock, mais c'est surtout un groupe de cover. Ils ont commencé en tout cas comme groupe de cover. Ils sont basés à Stockholm et ils existent depuis au moins une bonne petite dizaine d'années. C'est un groupe à la composition classique, hein, 2 guitares, une basse et une batterie, ce qu'il y a d'un peu, un peu original avec Manish Boy, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas un, mais 2 chanteurs qui peuvent se répondre ou eh bien, prendre les rênes et le microphone. En gros, c'est un peu le groupe Mr. Cover suédois. Pour ceux qui connaissent le groupe belge de reprise aussi. Et puis en parlant justement des reprises, eh bien ils jouent des chansons qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'autres groupes qui reprennent aussi, qui jouent aussi, et ainsi que des chansons qu'on entend un peu moins souvent. Eux, ils ont grandi avec des musiques de Beatles, des Rolling Stones, de David Bowie, Deep Purple, Thin Lizzy, Bruce Springsteen et d'autres. Et puis comme ils sont suédois, et pour les Suédois qui nous écoutent, et pour ceux qui sont un peu plus branchés sur le monde musical suédois, ce qui les inspire dans les artistes de leur pays, c'est Pjug, John Holm, ou encore le groupe National Teatern. Voilà pour une petite mise en bouche de présentation de ce groupe Manish Boy. On en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure, comme vous le savez. Eh bien, nous allons aller 3 fois sur leur album. Et le premier extrait que je vous propose, c'est la version originale d'un morceau qui est censé bouger aussi, puisque ça s'appelle Rock and Roll Land. C'est pratiquement la plage d'honneur de leur album, la plage qui donne le titre à cet album, puisque l'album s'intitule quant à lui Last Ticket to Rock and Roll Land. Je vous rappelle leur nom, Manish Boy, et ils sont notre power play aujourd'hui pour cet épisode numéro 426 de Planète Indie. Power play. Power play. Fight. We were doing all our houses and some mystery. Il s'appelle Diesel Park West et il habite en Grande-Bretagne puisque c'est le titre de ce morceau Living in the UK, c'est la version radio, c'est peut-être pas l'endroit le plus tranquille où vivre en ce moment parce qu'il s'y passe pas mal de choses entre la résurgence du Covid et le Brexit. C'est un peu, non pas de place to be, ou c'est plutôt de place not to be, la Grande-Bretagne. En ce moment, on va poursuivre avec une nouveauté. C'est la première fois qu'on l'écoute dans cette émission. Il s'appelle Knud Odd avec Mona Lisa Mother Earth. Avant cela, je vous propose de passer en revue la programmation chez nos amis de la Rocale. Ça va être assez court et assez succinct puisque évidemment les circonstances sont telles que il n'y a pas de concerts qui sont encore en tout cas prévus, ni de concerts ni d'événements qui sont prévus avant peut-être le 15 janvier, le Gospel pour 100 voix, le Casse-Noisette qui était prévu en tout cas le 9 janvier est déjà postposé, tout comme la venue de Kit Francescoli ou encore Carmina Burana et même Lone Psy, Woodkit pareil, Camille et Julie Berthollet, c'est annulé. Il y a cependant quelque chose que je peux à se mettre sous la dent, c'est ce soir Jackie Montan, c'est ça se passe non pas à la Rockall, mais ça se passe, en tout cas c'est organisé par la Rockall et le Rock Lab, mais ça se passe sur internet. C'est un concert d'artistes qui se passe dans des endroits un peu originaux et c'est diffusé en tout cas sur YouTube, la chaîne YouTube je pense de la Rockall. Ça s'appelle les Pop-Up Sessions et donc ce soir c'est Jackie Montan. Et puis demain dimanche, ce sera eh bien les bons vœux, Season's Greetings de la Rockall. Voilà, on ira voir les autres programmations d'ici là. Pour l'heure, donc, je vous propose de découvrir ce Knud Odd avec son Mona Lisa Mother Earth. Et puis après, ce sera Darwin. Je ne sais pas ce qu'il penserait de la situation actuelle, Darwin. En tout cas, le groupe Darwin, lui, nous interprétera le morceau Dance Alone. So dancing alone. Feel like dancing alone. There was a time and a place I fell in love in your embrace, but the time is come and gone. I will remember how I did you wrong. Over time we changed. Dance Alone, donc par le groupe Darwin. En ce qui concerne eh bien, la programmation chez nos amis de la Culture Fabrique, eh bien, c'est tout aussi restreint qu'à la Rocale, évidemment, puisqu'on annonce, en tout cas à l'heure actuelle, et tous les événements que je vous annonce pour l'instant sont bien entendu sous réserve des nouvelles mesures ou des nouvelles autorisations liées eh bien, à la situation sanitaire, bien entendu. Donc n'hésitez pas à aller voir les sites des salles rocale.lu, culturefabrique.lu, neumünster.lu. À la Culture Fabrique, donc, le samedi 23 janvier, on annonce toujours la release party pour l'album de Scared, le troisième album de ce groupe. Ce serait donc en principe le samedi 23 janvier à 20h. Et le vendredi 29 à 20h, ce sera aussi le concert de Rome, alias Jérôme Reuter, l'artiste luxembourgeois. Ça, c'est à la date d'aujourd'hui. Donc, si vous aviez l'intention d'y aller, renseignez-vous quand même, éventuellement, avant de vous déplacer. Et nous, en ce qui nous concerne, eh bien, avant de nous redéplacer, retourner sur l'album The Manish Boy, on fait un petit crochet par la France avec le groupe Folsom et un morceau intitulé Chinese Ghost. Rushing through the air. C'était donc les Français de Folsom avec Chinese Ghost. 17h51, retour sur notre album Powerplay, l'album Last Ticket to Rock'n'Roll Land par le groupe suédois Manish Boy. Ce groupe qui a été créé à l'origine par trois amis au début des années 90. Trois amis dont deux avaient déjà joué précédemment dans un groupe qui avait essayé de percer du côté de Kalmar, un groupe qui s'appelait Sand Squad, mais ça n'a jamais vraiment décollé. Et le groupe est mort d'une mort, on va dire, silencieuse, tranquillement, sans faire de bruit. C'est à ce moment-là donc que Manish Boy, l'aventure Manish Boy a commencé, et au lieu de percer avec leurs propres chansons, ils ont décidé de ne faire que des reprises. Ils ont été rejoints donc par deux chanteurs qui alternaient le chant et qui se répondaient, on peut dire, musicalement du tac au tac. Ça a créé une belle chimie, et après quelques années et après des tests avec différents batteurs, le véritable groupe Manish Boy a été créé finalement en 1997. Apparemment, c'était assez magique, comme ils disent, parce qu'il y avait pas mal de succès, il y avait pas mal de bons échos pour le groupe, leur son, leur façon de chanter, la rythmique, les guitares, tout ça était assez magique et tout le monde appréciait. Donc, comme je disais, il y avait, on dirait, du buzz aujourd'hui. Là, c'était plutôt, c'est pas des rumeurs, la réputation du groupe était très très bonne. On parlait d'eux comme d'un groupe qui, en tout cas à leur concert, ça marchait et ils donnaient vraiment ce qu'ils avaient à donner. On va poursuivre donc avec un morceau de cet album. Un album, c'est pas un album de reprise cette fois-ci, c'est un album de leur propre composition. On en reparlera un peu tout à l'heure. On a écouté tout à l'heure La plage pratiquement titulaire, puisqu'elle donne presque son titre à l'album, c'était Rock'n'Roll Land, la version originale. Là, j'ai choisi un autre morceau qui s'appelle Darkest Water. Je vous mettrai aussi sur notre page Facebook, puisque nous avons un groupe sympa sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous tapez Planet Indie et vous allez tomber sur nous. Il y a pas mal d'artistes aussi, d'artistes que vous entendez dans les différentes émissions de Planet Indie, donc si vous les aimez, ça leur fera plaisir. Vous pouvez même interagir directement avec eux. Ils sont très, très accessibles. Il n'y a pas de souci avec ça. On ne se prend pas la tête. Et puis, comme ça, vous vous tenez au courant des nouveautés liées à l'émission. Vous trouverez les playlists, les réenregistrements, les podcasts de l'émission, les critiques BD, donc toutes les infos et puis toutes les infos que les artistes postent directement. Aussi, pour l'heure, je me tais. On écoute Manish Boy avec ce morceau intitulé Darkest Water, comme Powerplay aujourd'hui soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. We'll be right back. On the waterfront, I fell in line eventually, and I was on my own. And I was on my own. Anyone could see that this was the end of dry land. The bewildered eyes caught by surprise. Ah, pebble beach, the waves fell to a roll, as tides would come and go, throughout the ebb and flow. Despite resistance, refusal to comply with what was coming up though from behind, gazing out to sea, haunting me. Drowning tranquility, something stays inside. Something stays inside. Something stays inside. Something stays inside. Trapped inside those dead eyes, that expressionless face, that broken mirror. I tried to run from turning into someone who's willingly just swept away. Today the current is strong, and I just miss someone that hesitates to conform. Something stays inside. Something stays inside. Something stays inside. Sonorité très très années 80 avec ce morceau du groupe The Search, un groupe suédois aussi, on est beaucoup en Suède en ce moment. Un morceau intitulé, laissez-moi reprendre mes notes, Specimen. Avant cela, donc, c'était aussi un morceau plus années 80, on va dire, du groupe Manish Boy, Darkest Water, en powerplay dans cette émission numéro 426 de Planète Indie. On a fait la rocale, on a fait on a fait la Culture Fabrique, il nous reste à faire l'Abbaye de Neumünster. Au niveau de la programmation, eh bien, le concert du 10 janvier, Tribute to Michel Petrucciani, est reporté à une date ultérieure. Sont pour l'instant, en tout cas, maintenus toujours jusqu'à l'heure actuelle. Le concert apéro du 24 janvier à 11h, le traditionnel concert du dimanche à 11h, ce jour-là, le 24 janvier, ce sera les Chapeaux Noirs. Et puis la semaine suivante, le 5 février, mais c'est à 10h cette fois-ci, et c'est peut-être même pas la semaine suivante, c'est plus un concert du dimanche, parce que le 5 février, si je ne m'abuse, ce sera un jeudi, puisque notre prochaine émission à nous, ce sera le 7 février. Donc le jeudi 5 février à 10h, ce sera Sound Colors. Et avant cela, le 27 janvier, on tourne autour de mon anniversaire, hein, c'est le 26 le mien. On va voir ce que je pourrais faire ce jour-là. Comme ça, vous savez tout. Le 27 janvier, 19h30, le Jardin de l'Espoir. N'oubliez toujours pas d'aller voir de façon à être sûr que les spectacles auxquels vous comptez participer sont maintenus. D'aller voir sur les sites neumünster.lu, culturefabrique.lu et rocal.lu. Avant de retourner sur notre album Powerplay, ce ne sera pas tout de suite parce qu'après le morceau qui vient, on aura notre capsule BD. Et le morceau qui vient, c'est les Sunny Smiles 3 avec All at Sea. It's all agreed, we're all at sea, and there's no reason here. Salted seas of choking weeds, the devil boils this ocean. Pray to the gods of rain and storms, they've imagined needs and fashion. We rode the waves to take us slaves, and called this civilization. And we all ride here, we all ride here, we all ride here on this dying dark ocean. Hearts of oak and fire and smoke, waves of water torture, blown to your knees by holy breeze, sends the souls to sighing. Oh God of sea and all disease, oh God of pain and aging, feed our needs with holy creeds and pleas for interventions. And we are Il s'appelle The Sunny Smiles 3. Ils sont anglais. C'est extrait d'un album Fireman, Spaceman, Mermaid. Et le morceau s'intitule All at Sea. Comme je vous l'ai annoncé, eh bien, nous allons passer à notre rubrique bande dessinée, capsule BD. J'espère que je vais pouvoir la maintenir encore parce que le Covid est en train de tarir mes sources d'approvisionnement en bande dessinée. J'avoue que j'avais quelques contacts avec certains éditeurs, mais le Covid est passé par là et au niveau nouveauté, j'arrive à être... Je surnage, là, j'ai la tête au dos, j'espère qu'on va pouvoir maintenir cette rubrique, on verra bien au fil du temps. Pour l'heure, je vous propose une BD souvenir, sortie chez Ankama déjà en 2013, ça s'appelle Killing Time. Le résumé de l'histoire est, en tout cas le pitch est celui-ci. Alors qu'il vient de se voir condamné à la prison à perpétuité, le tueur en série Georgie Owens reçoit la visite d'Isabelle Beaufailly, une journaliste qui veut mettre en lumière son point de vue de tueur, ses motivations, etc. etc. Georgie ne martèle-t-il pas qu'il n'est pas un assassin, mais voulait simplement libérer ses victimes de leur fardeau, qu'il n'a agi qu'à leur demande ? Bien qu'il soit surnommé par les médias le tueur des hôpitaux, sa seconde carrière, à côté de son activité officielle d'infirmier, a débuté le 12, le 12 septembre 2001, dans les décombres du World Trade Center, et s'est enrichi, entre guillemets bien entendu, de 33 meurtres supplémentaires. Le dernier de ceux-ci intéresse particulièrement la police, qui espère en apprendre plus grâce à l'aide d'Isabelle Beaufailly. Le thème de Killing Time est sombre tant sur le fond que dans la forme. Même si le thème du repos éternel revient en permanence dans cet ouvrage, Killing Time n'est pas un album de tourpeau. Il est indispensable de bien s'accrocher tout au long du récit, car celui-ci est truffé de flashbacks qui nous transportent à plusieurs étapes temporelles et jusqu'à la jeunesse du tueur. Le caractère aléatoire de ces retours en arrière rend a priori la compréhension globale de l'histoire un peu plus ardue. L'auteur prend un malin plaisir à brouiller toutes les pistes pour le lecteur qui finit par saisir que personne n'est vraiment ce qu'il prétend être et que rien ni personne n'est tout blanc ni tout noir. D'ailleurs, en parlant de blanc et noir, tandis que le corps du récit est franchement sombre, celui-ci est entrecoupé de pauses tranquilles où le blanc prédomine, se déroulant dans un hôpital et consistant en des dialogues pleins de bonhomie entre deux petits vieux à qui on donnerait le bon Dieu en confession, qui ne cessent de se taquiner au sujet de leurs pépins de santé respectifs. Ce n'est qu'un peu plus loin dans le récit quand un infirmier ressemblant comme deux gouttes d'eau à Georgie Owens apparaît dans ses intermèdes que l'on peut les articuler avec l'histoire dans son ensemble. Bref, c'est un livre très éclaté, un bon polar, qu'il est nécessaire de relire au moins une seconde fois, une fois toutes les subtilités du récit en main, pour en profiter pleinement. L'auteur parvient à nous identifier avec ce tueur pour lequel on en vient petit à petit à éprouver, si pas de la compréhension, au moins de la compassion. Comme quoi, nous non plus, nous ne sommes pas tout blancs dans l'histoire. Je vous rappelle le titre de cet album, Killing Time, 80 pages, c'est sorti déjà en 2013 et c'est chez Ankama. Les auteurs sont Toussaint et Evan Huys. Voilà, voilà, retour à la musique avec l'ami Bobo Burns, Every Sound That Crashes. Et après une nouveauté, Mayflower Madam, Prepared for a Nightmare. There's nowhere to go. On a un petit souci avec le lecteur CD et Bobo Burns. Il saute et ressaute. Alors, on va essayer l'autre lecteur. Comme ça, vous voyez, ça se fait en direct. On va voir si c'est le lecteur ou si c'est le CD qui a un souci. Je vous avoue, quand j'ai préparé l'émission, je n'ai pas eu ce genre de problème. Donc, ça se passait très bien. Je viens de frotter un petit peu le CD sur mon pantalon et je le reprogramme. Et comme ça, on va essayer de s'écouter ce morceau. Voyons voir ce que ça dit. Est-ce que ça se présente mieux ? Dernière chance pour Bobo Burns. « and I can hear my heartbeat. It's pounding out of my chest. Will I be a statistic or live through this mess? Running for the exits, you leave it all behind. There's nowhere to go, and now we hide. And every sound that crashes, every firework, every new story breaking, just makes my heart hurt. Let's all keep quiet, so they haven't been found. Stay away from the windows, someone's on the ground. And every sound that crashes, every firework, every new story breaking, just makes my heart hurt. It's alright, you can go now, get on with your night. We pretend this is normal, but this is our lives. And every sound that crashes, every firework, every new story breaking, just makes my heart hurt. Every sound that crashes, every sound that crashes, every sound that crashes, every sound that crashes. Thank you. prepared for a nightmare. Préparez-vous, soyez prêts en tout cas pour le cauchemar. C'est le groupe Mayflower Madame. Retour maintenant pour la troisième et dernière fois donc aujourd'hui sur notre album Powerplay, l'album du groupe suédois Manish Boy. Je vous ai raconté pratiquement l'ensemble de leur histoire. Si ce n'est que, eh bien, depuis peu... Donc on a dit que c'était un groupe de reprise, mais depuis quelques années, 2 ans à peu près, ils ont commencé à écrire et composer leurs propres chansons, ce qui a mené donc à la sortie de cet album Last Ticket to Rock'n'Roll Land. La première chanson qu'ils ont écrite, c'était donc ce morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Rock'n'Roll Land. Et il y en a eu d'autres, puisque l'album comprend maintenant une dizaine de morceaux. Que vous dire de plus ? C'est bien que le nom de ce groupe, Manish Boy, son origine vient du titre d'une chanson de Muddy Waters, une chanson qu'il a enregistrée pour la première fois, pardon, en 1955, et qui est devenu depuis lors un standard du blues. Voilà pour l'histoire et les faits et gestes du groupe suédois Manish Boy. Je vous propose donc d'écouter un troisième extrait de cet album, un morceau intitulé You, et puis je vais vous mettre sur notre page, notre groupe Facebook, une vidéo de ce groupe qui déménage finalement pas mal. Allez, on les écoute pour la troisième et dernière fois aujourd'hui, Manish Boy, avec le morceau intitulé You. Power play. Power play. vous avais prévenu hein, que ça bougeait pas mal, ce groupe Manish Boy, un morceau intitulé You. C'était notre powerplay aujourd'hui soir dans Planète Indie. Eh bien, on arrive tout doucement au bout de cet épisode numéro 426. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Encore un petit mot pour vous reparler de ce concours de Quest Freestyle Challenge organisé par la Rocale pour eh bien, les jeunes luxembourgeois et résidents âgés de 12 à 25 ans. C'est un concours de freestyle, de rap. Allez voir sur le site de la Rocale si vous désirez participer. Dépêchez-vous parce que ça se termine le 15 janvier. Voilà, on va nous se quitter avec une belle découverte de 2020. L'artiste belge Art of Empathy et morceau Hugging Strangers. Bah oui, j'espère qu'on pourra bientôt se reprendre les uns dans les bras des autres. Notre prochaine émission sera le 7 février. Cette émission 426 sera rediffusée demain dimanche aux mêmes heures, 17h à 18h30. Et puis la prochaine émission en français sur les ondes de RGL, ce sera le 9 janvier. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon week-end. Je vous réitère mes vœux pour une année 2021 qui soit scintillante, pleine de santé et pleine de bonheur et surtout pleine de musique, en tout cas de la musique de Planète Indie. Rendez-vous donc pour notre prochaine émission le 7 février. On se quitte avec Art of Empathy, Hugging Strangers. Hello there, I'm Jeff of Art of Empathy on Planet Indie, and you're listening to a new track of the album End of I. No rest for the wicked. I say who? Schon gestorben sind, muss man nicht ernst nehmen. Man tut ihnen sonst Unrecht. Wir Unsterblichen lieben das Ernst nehmen nicht. Wir lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist eine Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so will ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt. Dann wollte ich 100 Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick. Gerade lange genug für einen Spaß. Just drive, baby. sie hört sich dunkel fein.